Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Benjamin Carboni. Bonjour. Je suis très content de te recevoir dans le podcast 2030 Glorieuse. Ça fait un moment que j'ai envie de te donner la parole pour qu'on parte ensemble dans les utopies réalistes. En effet, tu fais partie, de celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Et d'ailleurs, au passage, pour celles et ceux qui nous écoutent, j'en profite pour dire que ce podcast que vous écoutez gratuitement est libre et indépendant et il a besoin pour continuer à exister et à se développer de votre soutien. Donc à la fin de cette interview, n'hésitez pas à relayer le podcast à votre entourage, mais aussi laisser une bonne note sur votre application. Et si vous êtes sur Apple Podcast, à laisser 5 étoiles. Voilà, c'est dit, merci. Nous échangeons aujourd'hui à distance pour parler du mouvement de nettoyage de la nature que tu as créé il y a quelques temps déjà, le mouvement Clean Walker. Plus largement, nous aborderons des sujets comme l'importance de s'écouter, de la puissance du collectif pour transformer nos modes de vie ou encore de la place de la nature dans la société de demain. Pour commencer, Benjamin, moi j'aime ouvrir la porte des métiers et toi tu as un parcours pour le moins atypique. Tu es un ancien comédien devenu militant. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te rencontre et qui te pose la question « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Je répondrai d'abord par ce qui remplit mon quotidien aujourd'hui. C'est-à-dire que je dirais que j'aime profiter de la nature, j'aime prendre des photos, j'aime écouter un peu de musique, j'aime boire des verres avec des amis, j'aime discuter de plein de choses et débattre avec des gens. J'irai d'abord ça, je pense. Parce que je trouve que c'est plus intéressant aujourd'hui de se définir comme ça que de se définir à travers une seule activité qui, en plus, souvent, n'est pas celle qui nous plaît le plus. Et je pense qu'après, je me définirai aujourd'hui comme une personne qui essaye de transmettre son expérience de vie et son parcours à travers voilà, ce qui s'oriente vers des formations ou des... Voilà, des accompagnements, des espèces de des petites tranches de vie où je peux partager mes expériences, quoi. Ce qui est hyper intéressant depuis que je donne la parole à tout un tas de personnes hyper inspirantes dans le podcast 2030 Glorieuse, c'est que souvent, à cette première question, les gens sont bien embêtés parce qu'ils ont tellement de casquettes, tellement de passions que en fait ils n'arrivent pas à tirer, tu vois, qu'une seule ficelle. Et finalement, toi, tu le vis et tu viens déjà de nous le donner à voir. Ta vie, elle est d'une complexité presque intimidante, non? Ouais, un petit peu. Bah, c'est compliqué parce qu'on voit dans la société qu'on connaît que la plupart du temps, les personnes ont une ou deux étiquettes et ces étiquettes-là, même si on dit dans la société, quand on est en terrasse avec des amis, qu'on dit qu'on n'aime pas les étiquettes, mais au fond, elles nous rassurent quand même bien et on est content de les avoir parce que si on n'en avait pas, on aurait peur de ce vide, de cette absence de quelque chose. Et voilà, donc quand on en a plein, c'est un peu cet entre-deux à réussir à trouver entre qu'est-ce que je fais vraiment, comment je peux m'identifier auprès des autres pour pas être entre guillemets rejeté de ben je suis pas comme vous Et en même temps, il y a ce côté à essayer d'arriver à trouver son propre équilibre entre toutes ces activités-là. Donc c'est pas évident. C'est pas évident, ouais. Est-ce que tu dirais pas quand même que le fil conducteur de toutes les activités qui te prennent du temps aujourd'hui, c'est de faire tomber les gens amoureux de la nature à nouveau ? Oui, je dirais ça. Je dirais peut-être premièrement aussi essayer de tomber amoureux de soi. Je pense que c'est une quête à la fois personnelle et donc que j'essaye de faire collective, c'est de se sentir bien avec soi, quoi. D'essayer de faire passer ça par des choses simples, par des actions simples, par voilà, comme tu viens de le dire, le fait de se rapprocher de la nature et de ces choses si simples, mais qui pourtant sont très très grandes. Je dis souvent dernièrement que j'essaie de terminer mes journées par un coucher de soleil face à l'océan. J'ai la chance d'avoir fait le choix de vivre près de l'océan et c'est une chance de profiter de ça tous les soirs et ça rappelle tellement de choses, ça remet tellement à sa place vite et de façon simple que voilà, de se raccrocher à ces choses-là et de se réenraciner à tout ça, c'est ce que j'essaie de faire, je pense. Et après, ça amène normalement à plein de choses derrière. Ça amène à une envie, une soif des gens de découvrir encore d'autres choses et de se poser plein de questions. J'essaie d'amener les gens à se poser des questions, je pense. Nous, ça fait quelques années maintenant qu'on se connaît et qu'on se croise dans le mouvement écolo-militant. Mais la raison pour laquelle je suis très content de te donner en particulier la parole aujourd'hui, c'est pour ce mouvement d'ampleur dont je parlais tout à l'heure, que tu as lancé il y a maintenant 2 années, si je ne dis pas de bêtises, le mouvement Clean Walker. Ouais, ça fait deux ans et un ou deux mois là. Et c'est vrai que c'est fou là, tu vois, de te l'entendre dire, parce que il y a 2 ans, j'étais un petit peu hors de tout ça. Et c'est assez particulier, pareil, de trouver cet équilibre, parce qu'à la fois j'ai l'impression d'être encore un enfant là-dedans, et en même temps l'impression que ça fait des années que je baigne dans tout ça. Donc c'est assez particulier, mais c'est vrai que oui, ça a à la fois déjà 2 ans et en même temps à peine 2 ans, quoi. Et c'est un mouvement de ramassage de déchets dans la nature qui est partout en France et même dans d'autres pays. C'est vraiment l'un, je ne sais pas, des 2, 3, peut-être 5 mouvements de nettoyage de la nature qui existent en France et qui ont une légitimité, comme je le disais, nationale, voire internationale. Pour ça, c'est impressionnant. Bah écoute, merci. Ouais, je pense que, comme je dis toujours, je n'ai rien inventé. Les ramassages de déchets, ça existe malheureusement. Depuis de nombreuses années, si on prend l'exemple de l'ONG Surf Rider, il y a 30 ou 40 ans, ils pensaient déjà à faire ce genre d'action-là. La seule chose que j'ai peut-être amené différent des autres associations, c'est que tout d'abord, j'ai pas pensé à créer une association pour faire ça. J'étais simplement, comme tu l'as dit avant, un petit comédien qui a pris conscience de ça, qui s'est dit « Ok, qu'est-ce que je peux faire et comment je peux agir à mon échelle ?» Et je me suis simplement dit, ben, marche et ramasse ce qu'il y a sur ton chemin. Et quitte à le faire, autant le faire avec des gens, autant partager ce moment-là, autant faire que ça soit un moment agréable, positif, drôle. Et c'est principalement ce que j'ai voulu amener. Et je pense que c'est peut-être ça qui a permis à pas mal de gens aujourd'hui de prendre conscience de ce premier geste-là. Et oui, c'est vrai que c'est assez fou aujourd'hui que, tu vois, hier, pour être très transparent, hier, j'étais en train de faire une réunion avec le bureau de Clean Walker, avec des gens qui sont investis là-dedans et qui me permettent aujourd'hui de gérer 24 personnes qui se sont dit, tiens, moi, je vais aussi, dans ma ville, continuer à faire que ce mouvement touche des gens. Et ouais, aujourd'hui, il y a 24 antennes en France. Il y en a en Belgique, il y en a en Espagne, il y en a au Portugal, il y en a au Maroc, en Tunisie. Et c'est assez fou de se dire que oui, il y a 2 ans, c'était juste une petite graine qui était dans ma tête, quoi. Est-ce que tu peux me dire comment ça s'est lancé, à quoi ressemblait la première Clean Walk organisée à Paris, de mémoire, et aujourd'hui, à quoi ressemble plus clairement, concrètement, une clean walk pour les personnes que ça intéresse et qui ne connaissent pas encore? Alors, pour la petite anecdote, la première, elle n'est pas à Paris, elle était à Lyon. Rapidement, comment tout ça est né? Comme je viens de te le dire, j'avais cette prise de conscience qui est arrivée par un cheminement assez long, mine de rien. Ça n'a pas été un déclic comme ça. Ça a été un cheminement assez long et la première chose que j'ai vue, c'est que j'en avais marre de descendre en bas de chez moi et de voir tous ces déchets partout. Et je suis d'abord parti dans la nature en Auvergne près de mon père. J'ai fait le même constat. Après, j'étais parti en vacances pour la dernière fois loin. J'étais parti en Guadeloupe et j'avais fait le même constat. Et après, quand je suis rentré, j'ai fait ce qu'on fait quand en 2018, à l'époque, on lance quelque chose. J'avais créé une page Facebook où je me suis dit, bon, bah, allez, appelons ça Clean Walker et puis on verra. Et quelques jours après, 2 semaines après, j'étais parti marcher entre ma ville natale, Roanne, et Lyon. Et en fait, j'étais arrivé à Lyon et j'avais fait donc une première Clean Walk avec une 60aine de personnes. Avec le maire d'arrondissement de Lyon, avec toute la presse locale, etc. Je me suis dit, ok, déjà, c'est fou. On était sur les quais lyonnais, on avait ramassé énormément de déchets, je ne m'étais pas attardé sur la quantité. Et surtout, 2 jours après, j'étais donc remonté sur Paris, et 2 jours après, on était 250 dans le 19e à faire un grand événement. Et là, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, ah ouais, c'est... on peut en fait rassembler des gens simplement en quelques minutes et partager cette action-là. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Ben, pas grand-chose, hormis le fait que, comme j'ai pu le dire précédemment, il y a des gens qui essayent de porter ce message-là dans différentes villes de France. Mais sinon, c'est un souhait profond de faire que ces actions-là restent quelque chose de simple, de facile à organiser. Alors, si le souhait est de rassembler un grand nombre de personnes, tout simplement d'essayer aujourd'hui de se tourner vers soit une antenne de Clean Walker qui existe déjà dans votre ville, soit de se tourner vers nous pour voir si vous pouvez et si vous voulez créer une antenne. Et après, les choses se font simplement comme on pourrait le faire avec une bande d'amis où on se dit « bah viens, on sort, on prend un sac, on marche et on ramasse qu'il y a sur notre chemin ». L'idée est que c'est et que ça reste quelque chose de très simple comme ça. Pour donner un exemple tout frais pour ma part, il y a 2 semaines, là où je vis, il y a eu des tempêtes qui ont amené beaucoup de déchets sur les plages. Et en 2 jours, en contactant 2 autres associations qui sont dans le coin, j'ai simplement dit, venez, on se retrouve ici à telle heure avec ce qu'on a chez nous pour ramasser. Et on s'est retrouvé une quarantaine à ramasser pendant 2 heures. Une quantité folle de déchets qu'il y avait sur les plages. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, le lien entre le début et aujourd'hui, c'est la simplicité de l'action. Donc tu le dis, un véritable engouement et bravo pour cette dynamique que tu as réussi à lancer. Une dynamique qu'on retrouve dans d'autres mouvements. Tu parlais tout à l'heure de Surfrider qui organise aussi des collectes de déchets un peu partout en France notamment, mais pas que, c'est une organisation internationale maintenant. À Paris, moi j'avais fait une collecte pour un mouvement qui s'appelle Green Bird qui chaque mois fait que les bénévoles se retrouvent dans un coin différent de la capitale. Il y a aussi... le World Cleanup Day, qui est un mouvement mondial et qui, en septembre, organise une journée mondiale de collecte. Bref, il y a une vraie dynamique et on sent l'engouement des gens pour ces actions de nettoyage. Pourtant, on pourrait aussi penser qu'il faudrait plutôt s'attaquer au problème à la source. Alors, pourquoi c'est si important de mener ces actions, Benjamin ? Je pense que c'est important pour l'aspect, justement, prendre conscience de tout ça. En fait, c'est tellement concret. Le fait de prendre cette bouteille en plastique qui est dans ta rue et de te rendre compte que 2 semaines avant elle était dans ton frigo, c'est mettre le premier pied à l'étrier et de se dire ok, si je prends conscience par cette action très concrète de l'impact que ça peut avoir, justement après, ça peut amener et ça doit amener au fait de se poser des questions et de se dire ok, pourquoi ça c'est ici? Pourquoi je ramasse tous ces déchets-là aujourd'hui? Eh bien, parce que je consomme de telle façon, parce que aujourd'hui, notre consommation principalement est produite de cette façon-là. Et le but, en tout cas, ce qu'on essaye de transmettre à chaque fois dans ces actions-là, c'est que à chaque fin d'événement, une fois que ces prises de conscience entre guillemets ont été faites, et ben d'accompagner les gens et de leur dire allez vous renseigner, allez rechercher, allez vous poser des questions, parce que comme tu viens très bien de le dire, aujourd'hui on est conscient qu'il y a des milliers d'autres actions, engagements, associations, personnes qui ont les connaissances, qui ont le savoir pour continuer cette prise de conscience. Que si on imagine un petit peu comme un escalier, voilà, c'est la première marche qui est là, et l'idée c'est d'amener les gens après à aller voir un petit peu plus loin. Donc cette action, je pense premièrement, elle est importante pour ça. Et puis après, pourquoi on n'attaque pas le problème à la racine? Parce que la racine, elle est là depuis longtemps, elle est bien ancrée dans la terre et que c'est très compliqué de l'atteindre et voilà quoi. Tu comprends que je dénigre pas du tout l'action. En fait, ce que je voulais surtout te faire dire d'une certaine manière, et parce que je l'ai vécu et parce que je voulais savoir ce que tu en pensais, c'est que ces actions, elles permettent effectivement deux choses. Une prise de conscience, parce que face à ces sacs gigantesques qu'on remplit de détritus, qu'on soit en ville ou d'ailleurs à la campagne, qu'on soit sur une plage ou qu'on soit dans un champ, dans une forêt, à la montagne, en fait, les déchets sont aujourd'hui de partout et c'est ça qui est le plus triste. Et en fait, en menant une opération de collecte et de ramassage comme toi tu le fais, en quelques heures, on est assez subjugué, voire submergé de tous ces déchets qu'on s'est presque habitué à avoir, tu vois. Et donc ça, rien que ça, en fait, ça, c'est une première claque. Là où aussi je voudrais t'entendre, c'est ces collectes, elles sont collectives et je pense que le fait de se retrouver à plusieurs dizaines, ça donne aussi un sens de l'importance du collectif pour justement adresser ces sujets écologiques qui trop souvent sont ramenés à l'échelle individuelle, voire individualisante, et qui empêchent de faire corps, de faire masse, non ? Mais c'est sûr, c'est certain. Ce que l'on essaie de dire très souvent, c'est que si on est un petit peu réaliste, tout en étant encore un petit peu utopiste, c'est de se dire que ces événements-là, c'est pas ce qui va sauver le monde. On peut ramasser des tonnes et des tonnes de déchets. Par exemple, c'est pour ça que moi, je ne m'attarde jamais sur la quantité de déchets ramassés, parce que malheureusement, il en restera toujours autant. Ce qui est important, et comme tu viens très bien de le dire dans ces événements, c'est le fait de partager un moment avec des gens. On le voit dans notre société aujourd'hui, encore plus ces dernières semaines, que c'est très compliqué de se rassembler et que même aujourd'hui, on est de plus en plus, à mon sens, dans une société qui est un petit peu individualiste, et donc de partager ces moments-là avec la plupart du temps des inconnus, en plus des personnes qu'on n'aurait pas croisées dans notre quotidien, parce qu'on n'a pas le même secteur d'activité ou pas le même cadre de vie, et de partager pendant 2 heures un geste et une action simple avec ces gens-là, ça permet de créer des liens l'aspect de simplicité que je te disais tout à l'heure est essentiel parce que ça amène ce lien, cet échange très simple. Et je pense que si on est du coup un peu plus réaliste, le but de ces événements-là, c'est de créer ces liens-là, de créer ces liens. Et je pense que la plus belle des victoires, c'est que après un événement, des personnes se disent, ben, on va faire quelque chose ensemble, ou alors simplement on va se revoir. Si ça permet de créer des liens, je pense que c'est énorme et c'est ce qui fait que aujourd'hui on peut avoir de l'espoir. C'est cette force du collectif, comme tu le dis. Moi, j'en ai pris énormément conscience ces derniers temps. Après avoir fait un petit point sur mon parcours professionnel, je me suis rendu compte que malgré tout, j'avais souvent travaillé seul par la force des choses et sans doute par choix de ma part. Et en fait, dès que le collectif te prend, tu te rends compte de la force que ça peut apporter. Il y a l'image toute bête, mais qui marche vraiment bien d'une vague, où la vague, quand tu prends conscience que c'est des millions et des millions de petites gouttes, ben, l'image parle d'elle-même, quoi. Donc oui, la force du collectif, elle explique tant de choses. Et tu le disais, tu arrives à engager le pouvoir public de temps en temps sur certaines collectes. Tu parlais de ta première collecte avec une mairie d'arrondissement à Lyon. Est-ce que tu arrives aussi à entraîner les entreprises pour participer collectivement à cette prise de conscience? Oui, alors c'est malgré tout un sujet un petit peu délicat malheureusement. Pourquoi ? Parce que c'est un souhait de ma part et des personnes qui aujourd'hui font cette aventure avec moi, c'est que ces événements-là ne deviennent pas la caution écologique de ces entreprises-là, d'où le fait de s'attarder sur l'humain. Si demain une entreprise a vraiment envie profondément d'agir, de changer les choses, de changer des choses dans leur quotidien, alors cette action aura du sens et ça changera réellement des choses dans leur équipe, dans leur image et dans leur futur. Si c'est simplement une entreprise qui vient pour prendre des photos et avoir un effet de communication, là on entre dans l'ordre du greenwashing et là je suis pas vraiment fan de ça. Et pour te donner deux exemples, et une fois de plus c'est assez transparent, on a fait une fois un événement avec une banque, avec des salariés d'une banque, une trentaine de personnes, et c'est Alice, une personne qui est aujourd'hui au bureau de Clean Walker et qui s'occupe de Clean Walker à Tours, qui avait géré cet événement avec une autre personne. Et quand on s'est téléphoné après, elle m'a dit que c'était l'un des meilleurs événements qu'elle avait fait parce qu'il y a eu 30 personnes qui avaient une envie folle d'être là et d'agir simplement. Ils n'ont pas ramassé grand-chose, mais une chose est sûre, c'est que ça a changé quelque chose dans leur équipe à eux. Et ça, ça a été très fort. Et le deuxième exemple, ça a été que on a été contacté par Air France pour faire des ramassages. Et la seule chose que j'avais souhaité, c'est qu'il n'y ait pas de communication autour. C'est que ce soit un événement qui soit pour les salariés et pas pour l'entreprise. Et sauf que au fur et à mesure de l'organisation de cet événement, tout était tourné autour de la communication, tout était tourné autour de l'image, tout était tourné autour de l'utilisation de ça. Et du coup, j'ai refusé de le faire pour justement ne pas être cette caution green des entreprises. Donc oui, c'est essentiel aujourd'hui de faire des événements avec des entreprises parce que les entreprises, ben, c'est juste un collectif de gens qui travaillent ensemble. Mais il faut arriver voilà, à trouver le vrai du faux dans tout ça. Benjamin, est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, où est-ce qu'on trouve toutes les informations pour participer à une prochaine Clean Walk ? Absolument. Alors, il y a la page Facebook Mouvement Clean Walker, qui est la page principale du mouvement actuellement, qui rassemble à la fois les informations principales du mouvement et en même temps où vous pouvez retrouver toutes les autres antennes. Ensuite, si vous voulez rechercher un peu plus en détail, vous avez juste à taper Clean Walker et le nom de votre ville. S'il y a une antenne, vous la trouverez en deux clics. Et on a eu quelques déboires avec des anciens sites qui ont eu des problèmes fous que j'aurais jamais imaginé, mais on a la chance d'avoir deux créateurs qui sont en train de nous mettre en place un site. Donc on espère que d'ici la fin de l'année, on aura un site qui regroupera vraiment toutes ces informations-là, à la fois comment créer un événement, où retrouver des antennes et toutes les infos qui sont liées au mouvement. Et pour l'instant, voilà, les infos principales se retrouvent sur notre page Facebook. Eh ben, c'est très clair, je renverrai vers la page Facebook et dès que le site est live, n'hésite pas à me le repartager, on le repartagera là aussi à la communauté Ça commence par moi et 2030 glorieuse. Benjamin, on vient de terminer et c'était passionnant, je le savais, et tu l'as confirmé cette première partie où tu partages ton parcours, tu partages justement l'expérience de la clean walk et de pourquoi le ramassage dans la nature il est si important. On va aujourd'hui, maintenant, voyager vers les utopies réalistes et partir en 2030 glorieuse ensemble. Et avant ça, je voulais comme à chaque fois, que tu nous offres un cadeau, que tu nous ouvres une parenthèse d'inspiration à travers la littérature. Toi qui es artiste, ancien comédien, je suis sûr qu'en plus tu vas lui donner particulièrement du corps à ce moment-là. Donc tu nous partages un extrait qui te tenait à cœur. Lequel ? Eh bien, alors là, ce n'est pas volontaire sur le choix pour faire un lien avec comédien, mais j'ai beaucoup cherché, déjà je tiens à le dire, j'ai beaucoup cherché pour cet exercice très délicat dans les différents livres qui m'ont marqué. Et c'est plus une question que j'ai en ce moment en tête qui m'a ramené à une œuvre que pour le coup tout le monde, je pense, connaît, qui est une œuvre de William Shakespeare. Et la pièce Hamlet, et donc le passage du monologue si connu d'Hamlet est un passage important. Voilà. Être ou ne pas être ? Telle est la question. Y a-t-il pour l'âme plus de noblesse à endurer les coups et les revers d'une injurieuse fortune ou à s'armer contre elle pour mettre frein à une marée de douleurs ? Mourir, dormir, c'est tout. Calmer enfin. Dit-on dans le sommeil des affreux battements du cœur. Quelle conclusion des mots héréditaires serait plus dévotement souhaitée ? Mourir, dormir, dormir, rêver peut-être, c'est là le hic. Car échapper des liens charnels si, dans ce sommeil du trépas, il nous vient des songes, halte là. Cette considération prolonge la calamité de la vie. Car sinon, qui se porterait du sort les soufflés et les avanis, les torts de l'oppresseur, les outrages de l'orgueilleux, les affres de l'amour dédaigné, les remises de la justice, l'insolence des gens officiels et les rebuffades que les méritants rencontrent auprès des indignes. Alors qu'un simple petit coup de pointe viendrait à bout de tout cela. Merci Benjamin. Ça élève, non, d'entendre des choses comme ça ? Ouais, de le redire, ça ramène cette question en tête qui, alors, pour l'expliquer un petit peu, n'est pas chez moi si torturée que l'est chez le personnage d'Hamlet qui est vraiment dans un déchirement de vie qui va l'emmener jusqu'à la folie. Mais ce qui m'intéresse surtout, Dans tout ce passage-là, mais qui est très bien expliqué, je vous invite à relire à la fois ce monologue et cette œuvre, c'est surtout le tout début et cette question assez simple, qui est vrai assez simple, entre guillemets, mais dans la formulation, qui est être ou ne pas être, dans le sens, avec cette première phrase, est-ce que, en fait, pour cette destinée, ce destin, cette vie qu'on a, est-ce qu'on a envie de se confronter à la rudesse, à la difficulté que contient toute la vie pour arriver à un objectif, à un rêve, à un but qu'on ne sait même pas si on le souhaite vraiment, ou est-ce que on a envie de faire le choix d'une vie plus simple, sans embûches, quitte à faire une croix sur ce possible destin. C'est une question qui m'est venue souvent dans l'esprit et même dernièrement, se dire, voilà, en prenant les choses plus simplement, est-ce que de faire le choix aujourd'hui d'avoir quitté Paris, d'être dans une plus petite ville pour une vie plus simple, un quotidien plus calme, mais faire une croix sur certaines choses qui étaient peut-être des rêves, est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que voilà, c'est toutes ces questions-là qui peuvent être là, pas au quotidien, mais qui peuvent revenir et qui sont intéressantes parce que justement, comme je le disais tout à l'heure, ça amène à se poser des questions, à se poser d'autres questions. Et pour moi, c'est assez essentiel de se poser des questions, souvent. Je l'avais dit, hein, qu'on allait parler de comment s'écouter et pourquoi c'était si important. Et là, à travers cette lecture et ton explication, on ressent bien la nécessité de s'écouter, d'écouter cette pulsion de vie qu'on a, chacun unique, pour vraiment faire en sorte de ce cadeau qu'est la vie, qu'on le sublime en fait. On va justement voyager en 2030 glorieuse, parce que j'aimerais bien aussi t'entendre sur... les perspectives et toi, quand tu t'écoutes dans ta vie, quand tu t'écoutes dans notre société qui peut potentiellement évoluer dans tous ces bons sens qu'on lui souhaite, à quoi ça ressemblerait? Donc on va ensemble jouer le jeu de ce voyage assez extraordinaire de partir dans 10 ans dans un monde où on a réussi. Réussi quoi? À nous de le décider. Pas évident, hein, Benjamin, d'arriver à parler au présent comme si on était en 2030 glorieuse et de pas faire des allers-retours incessants avec notre réalité pesante quotidienne. Je suis sûr qu'on va faire du mieux qu'on pourra pour ne pas tomber dans ce piège. Tout simplement, ça y est, nous y sommes. Nous sommes en 2030 glorieuse. Je ne te dis pas que tout est rose, que tout est beau, que tout est extraordinaire, mais on sent qu'on a réussi à remettre notre société dans le sens d'un cap qui respecte plus le vivant, qui respecte plus le système Terre, la nature. Appelle ça comme tu veux. Toi qui, aujourd'hui, es dans les deux pieds dedans, qu'est-ce que tu peux raconter, détailler, décrire de ce quotidien à celles et ceux qui nous écoutent? À quoi ça ressemble les 2030 glorieuses? Eh bien, ce qui est agréable et ce qui est là dans ce quotidien, c'est que on a enfin cette place dans la nature et pas à côté de la nature. On a vraiment réussi depuis toutes ces années à recréer ce lien direct avec la nature. Et je pense que le choix de la plupart d'entre nous de décider aujourd'hui d'y vivre pleinement, donc d'être dans les forêts, d'être dans les champs, ça change beaucoup de choses. Et puis il y a aussi ce choix fort d'aujourd'hui vivre vraiment en lien avec les différentes espèces qui sont autour de nous, depuis que les parcs, depuis que les réserves n'existent plus, le fait d'avoir tous ces animaux-là en liberté et de vivre en communion avec eux, c'est fou parce que ça semblait très utopiste, voire impossible, il y a encore quelques années, et aujourd'hui, avec le quotidien qu'on a, on prouve que c'est possible et que ça nous apporte énormément. Voilà, on a beaucoup moins de maladies aujourd'hui, on a un quotidien plus simple, on arrive presque à avoir une autonomie alimentaire, et ça c'est déjà très fort. Moi, tout de suite, quand tu me parles de ça, je vois la nature qu'on a réussi à remettre dans les villes sacrifiant, je pense pas que ce soit le bon mot, mais en redonnant la juste place à des transports polluants comme la voiture, qui aujourd'hui sont devenus minoritaires, voire inexistants. Et donc, c'est refaire pousser des choses, avoir des ceintures d'agglomération qui sont à nouveau destinées à faire effectivement pousser notre alimentation. Mais je pense que ça va beaucoup plus loin que ça. Et toi, tu le dis, on a réappris à vivre dans la nature. Tu parles presque de désobéissance fertile, j'ai l'impression. Oui, un petit peu, mais je pense que la décision qui a changé les choses, ça a été le jour où plusieurs des grandes villes ont décidé de fermer vraiment l'entièreté de leur centre-ville à tout type de véhicules qu'on a pu connaître, qui sont encore, comme tu l'as dit, un petit peu présents. Voilà, tout ce qui est les voitures, etc., tous les moyens de transport qui fonctionnaient au pétrole. Dès qu'on a commencé à fermer la plupart des centres-villes, de grandes villes à ces véhicules-là, on s'est rendu compte qu'en fait, un autre type de mobilité était possible, qu'on connaissait déjà, hein. Le vélo, la marche à pied, les transports en commun, qui commençaient déjà un petit peu à évoluer vers des transports plus responsables. Aujourd'hui, on a atteint des niveaux où voilà, les bus, métro et autres fonctionnent de façon bien plus responsable aujourd'hui. Mais je pense que le fait de fermer ces centres-villes-là, ça a été une action forte, parce que ça a permis de ne plus construire à partir de ce noyau et en partant d'autour, mais plutôt en partant d'autour pour avoir un noyau beaucoup plus cohérent. Et après, ce qui a amené évidemment une vague de changements auprès des autres villes. Et puis c'était aussi déjà un petit peu en place pour les plus petites villes qui justement ont eu ce retour aussi. Et c'est génial aujourd'hui d'avoir tous ces petits commerces qui sont revenus, parce que ça a d'abord permis à plein de personnes de retrouver un emploi et de se former à des métiers qu'on n'utilisait plus. Mais voilà, aujourd'hui, est-ce qu'on serait retrouvé des grandes zones commerciales dans les agglomérations en activité? Je ne sais pas si on a encore beaucoup. Voilà, en tout cas, moi je trouve que ça a changé à partir du moment où on a commencé à construire autour du noyau et pas à partir du noyau, quoi. Et ça change aussi dans le sport, hein. Je change complètement de sujet. Et en même temps, cette connexion à la nature, elle peut se faire à travers le sport. Toi, par exemple, tu pratiques fréquemment le surf. À l'époque, on courait dans des salles, on faisait du vélo devant sa télévision. Le sport nous a permis aussi de reprendre notre place parmi la nature, non ? Je ne sais pas si on se rappelle, mais ce n'était pas il y a si longtemps que ça, c'était il y a 10 ans, où à l'époque, il y avait quand même une pandémie qui était en route. Alors aujourd'hui, ça nous paraît loin parce que on a changé un petit peu notre vision des choses au niveau de la santé. On a déjà mis beaucoup plus de moyens là-dedans et on est parti sur quelque chose de plus en plus naturel aujourd'hui. C'est vrai que ça a changé énormément de choses. Parce que à cette époque-là, comme tu l'as dit, on n'allait plus dans ces salles de sport, on n'allait plus dans ces endroits fermés pour faire des activités. Et le seul moyen qu'on avait de faire du sport, c'était justement d'aller en extérieur dans ces moments de liberté qu'il y avait. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte, mais quel plaisir, quelle chance de pouvoir faire corps avec des éléments naturels ou avec la nature simplement, et de pouvoir... voilà, il y a une personne qui disait ça, qui est l'important, c'est de se mettre en mouvement. Et ça, cette période-là a apporté ça. Et puis on a vu dans les années qui ont suivi que voilà, tous ces lieux-là, comme les salles de sport et autres, ont fermé et qu'on est revenu à des activités plus simples. Et puis même, on le voit aussi sur les grands événements sportifs, on est revenu à des choses beaucoup plus simples et quasiment même à des choses locales. Voilà, les Coupes du Monde, les Jeux Olympiques, etc. n'existent plus. On est resté sur des compétitions qui sont désormais nationales. Donc l'impact est bien moindre déjà. Et puis justement, ça permet à des régions de recommencer à vivre grâce au sport. Parce qu'il ne faut pas l'oublier qu'il y a 30-40 ans, le sport était souvent le noyau de certains villages ou certaines villes. Et de ce retour à la simplicité du sport, ça a changé énormément de choses. Pour donner l'exemple d'où je vis, dans le sud-ouest, près des côtes landaises, le retour de compétition ici, de surf, change énormément de choses au niveau local déjà, ne serait-ce que ça. Toi, tu peux nous raconter comment ta pratique sportive, elle te permet d'entrer en communion avec la nature? À quel point elle est presque méditative, cette pratique? Alors, déjà, je pense que c'est important de préciser que je suis loin d'être un expert de cette activité, par exemple, qu'est le surf, si on prend cet exemple-là. Je me suis amélioré dans les dernières années, mais je pars de loin. Mais par contre, ça, je peux clairement parler de l'aspect méditatif, et je pense que tout le monde connaît cet aspect-là dans le sport qui lui plaît. Là, si on prend cet exemple-ci, le simple fait d'être assis sur une planche dans l'eau, à se faire bercer par les vagues, à observer le coucher de soleil, à discuter avec des gens autour, à se laisser pousser par un élément naturel qui va te faire glisser pendant quelques secondes sur l'eau. On est sur quelque chose, malgré tout, de simple, mais qui amène tellement de choses, de la contemplation, de l'échange, de l'éveil, de l'euphorie. Ça amène énormément d'émotions. Et c'est fou parce que voilà, on essaye au maximum d'être dans justement ce que tu dis, une communion avec la nature. Mais une personne qui va aller courir en forêt va sans doute vivre la même communion avec ce besoin de d'être seul avec la nature, de à chaque foulée de sentir tout ce qu'il y a autour. C'est des choses fortes, mine de rien. Et le sport souvent le résume à un effort physique, à une performance, à de la compétition. Même si c'est plus trop le cas maintenant, mais il faut pas oublier qu'avant tout c'est le corps qu'on met en mouvement et c'est des émotions qu'on ressent, et ça c'est le plus important. Et d'ailleurs, toi qui il y a 10 ans en arrière organisais des ramassages ponctuels de déchets dans la nature, tu as été un petit peu, comment dire, dépossédé de cette mission, puisque le sport est aujourd'hui bien plus pratiqué dans les milieux naturels, avec forcément tout un tas de règles, d'espaces protégés, pour ne pas non plus faire en sorte que l'impact et l'empreinte humaine viennent dérégler complètement ces écosystèmes. Mais aujourd'hui, n'importe quel sportif se balade avec une poche, avec un sac, avec une banane accrochée autour de lui, dans laquelle il peut mettre les déchets qu'il va rencontrer sur sa route, parce que aujourd'hui, ramasser les déchets qu'on voit dans la nature, même s'ils se font plus rares, c'est devenu une évidence. Bah, c'est devenu une évidence, ça a mis du temps, comme tu viens de le dire. Ça a mis du temps, mais à partir du moment où, et on le savait, mais à partir du moment où des personnalités, comme on le définit, ont commencé à prendre la parole sur ces sujets-là. Et donc là, si on prend l'exemple de grands sportifs qui ont commencé à prendre la parole sur ces sujets-là et qui ont commencé vraiment à agir concrètement, ça a changé énormément de choses. Et je ne sais pas si on se rappelle, je crois que c'était en 2024 ou en 2025 où il y avait une compétition de ski de fond qui était faite et qui commençait déjà à être un petit peu compliqué avec ce qu'on sait au vu des températures qu'il y avait, de la disparition au fur et à mesure des neiges. Mais il y avait eu ce sportif français qui avait terminé la compétition déjà en tête, ce qui était admirable, mais en plus avec un sac de déchets qu'il avait ramassé sur son parcours, sur son passage. Et ça avait évidemment eu un impact fou. Et après, ce qui avait été très fort au niveau des fédérations, etc., c'est de se dire, mais pourquoi ne pas intégrer ça? Pourquoi ne pas faire que cette action ne devienne plus exceptionnelle, mais devienne une habitude, voire une règle dans les sports? Et à partir de là, les choses ont énormément changé et on sait l'impact au niveau médiatique qu'a le sport. Et puis on voit aujourd'hui ce que ça fait toutes ces différentes règles dans les nombreux sports extérieurs qui ont été mises en place pour agir au niveau de la pollution plastique. Toi, Benjamin, qui, il y a déjà une décennie en arrière, était très à l'écoute de tes intuitions, notamment pour ton parcours professionnel. Qu'est-ce que tu fais en 2030 Glorieuse ? Ben, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir continuer à faire ce que certains auraient pu ne pas définir il y a quelques années comme une activité professionnelle. J'ai de la chance d'être aujourd'hui accompagnateur, simplement, d'avoir la chance de pouvoir au quotidien accompagner des gens sur ce chemin de la prise de conscience. Aujourd'hui, on a l'impression que la quasi-totalité de la société est éveillée à cette ces sujets environnementaux qui sont encore bien présents malheureusement, et l'urgence, ben, maintenant on la vit au quotidien sur plein de choses, malgré les victoires qu'on a eues. Et voilà, j'ai la chance de pouvoir accompagner, que ce soit des entreprises, que ce soit des particuliers, à se poser cette première question, de se dire, OK, aujourd'hui, dans mon quotidien, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux agir pour mettre ce premier pied à l'étrier et pouvoir engager ces changements dans mon quotidien? Et c'est une réelle chance de pouvoir... De pouvoir faire ça au quotidien. Oui, j'imagine, effectivement. On vient d'ouvrir une page, une fenêtre de 2030 glorieuse dans laquelle je sens aussi, peut-être que ça passe par ta parole, qu'il y a eu un remaniement du rythme. C'est peut-être ma dernière question en 2030 glorieuse. J'ai l'impression que la relation au temps, la relation à nos activités, elle a changé, non ? Oui, bah, dans tous les cas, c'était... C'était devenu essentiel. C'était devenu essentiel parce que on avait monté le curseur si haut en demandant à la plupart des personnes qui constituent cette société de ne faire que travailler, de ne plus penser, de ne plus ressentir quasiment, de demander simplement être des producteurs de produits, de consommation, et voilà, les gens, et j'en fais partie aussi, t'es arrivé à un moment donné à se poser des questions, de se dire, OK, mais qu'est-ce que j'aime vraiment? Quels sont les moments, les temps qui sont pour moi? Et à partir du moment où on a commencé à descendre dans les rues et à continuer à faire ce qu'on a déjà fait dans notre histoire, mais à manifester pour du temps. Pour avoir du temps pour nous, du temps pour créer, du temps pour partager. C'est la première fois, entre guillemets, qu'on manifestait pour quelque chose de si à la fois flou, mais si symbolique et si important. Et on a réussi à gagner ce temps et à avoir ces moments-là pour simplement ce qu'on pouvait appeler parfois procrastiner ou autre, mais qui est important de procrastiner parfois parce que ça permet d'éveiller le cerveau, d'éveiller toute cette réflexion, cette créativité. Et aujourd'hui, 5 ou 6 ans après, on voit que le curseur a été énormément baissé parce qu'on a vu ce que ça a apporté à la société, on a vu ce que ça a apporté qu'un salarié d'une entreprise soit reposé et ait du temps pour créer, ça permet d'apporter énormément. Et puis, on s'est posé sur cette simple chose qui est qu'un cerveau, il réfléchit mieux à plusieurs et quand il est en pleine capacité de ses moyens. Et donc oui, le temps est devenu non plus une denrée rare, mais une vraie richesse qui est partagé par tous et tout le temps. La route, elle est encore longue avant 2030 glorieuse. Benjamin, tu viens de jouer cette partie de ping-pong avec moi et je te remercie pour le lâcher-prise dont tu as fait preuve quand tu nous as comme ça entraîné par ton imagination en 2030 glorieuse. Tu nous as permis de toucher du doigt tout un tas de concepts très puissants. Maintenant, les gens qui nous écoutent, ils reviennent dans leur quotidien. Dès demain, ils seront happés à nouveau par tout un tas de tâches, par une liste des choses à faire, etc., etc. Quel serait, selon toi, le premier pas que tu leur suggérerais pour marcher vers cette utopie réaliste que nous avons dessinée ensemble, Benjamin ? Alors, avant de répondre à cette question, si tu me le permets, je voulais te remercier pour cet exercice et je pense que tout le monde devrait s'y essayer, parce que ça fait du bien, en fait, de se projeter, de s'imaginer positivement ce qui est possible. Ça fait du bien, et ça on est parfois un peu trop défaitiste, un peu trop réaliste et fataliste, mais ça fait du bien de ramener un petit peu d'imaginaire et de rêve dans tout ça. Donc merci déjà pour ça. Et alors, pour répondre à ta question, je ne vais pas être très original, voire un peu redondant, mais je dirais aux gens de se poser une question. Voilà, vraiment de se poser une question, si simple soit-elle, de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de manger ce soir? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ce soir? Et peut-être de tirer ce fil. Souvent, j'ai l'image d'un fil conducteur de notre vie, d'un fil de pensée, et de tirer ce fil et de se poser peut-être des questions un peu plus larges, de se dire, ok, est-ce que mon travail me plaît? Est-ce que où je vis me plaît? Est-ce que ce que je fais au quotidien me plaît? Est-ce que je fais ce que j'aime? Est-ce que je me sens bien avec moi-même? Et continuer à tirer ce fil-là pour pourquoi pas un jour se dire ce que je souhaite à tout le monde, se dire ok, je suis en paix avec moi-même. C'est souvent, je crois, dans notre réflexion, une question qu'on semble se poser au moment des derniers souffles de notre vie. Mais je me dis que c'est une question qu'on devrait se poser quand on est justement pleinement vivant, de se dire, est-ce que je suis en paix avec moi? Est-ce que je me sens bien avec moi-même? Donc le premier conseil, je vous dirais, voilà, vous posez une question, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Merci Benjamin. Merci à toi. Et voilà, cet épisode avec Benjamin vient de se terminer. Vous l'avez, comme moi, ressenti, je pense, cette profonde connexion qu'a Benjamin avec lui et avec le vivant. On a parlé de tout un tas de choses et le déclic du ramassage des déchets en la nature, je trouve que c'est un excellent prétexte pour débuter ou recommencer cette reconnexion à la nature et comprendre à quel point elle est précieuse et qu'on a tous et toutes un rôle à jouer dans sa préservation. Plus largement, je pense que vous avez aussi senti tout au long de cet échange la nécessité de reprendre la nature comme modèle, et c'est pour ça qu'on en parlait à la fin notamment du podcast, la question du rythme. Je crois qu'aujourd'hui on a trop essayé à être à 10 000% toute l'année, tous les jours, presque toutes les heures, à être dans une suractivité qui est clairement destructrice. Je pense qu'il y a cette nécessité aussi, comme la nature, d'avoir des temps forts, des temps faibles, des temps de croissance, des temps de bourgeonnement, des temps de floraison, mais aussi des temps où on laisse mourir certaines choses et pour ensuite entrer dans une phase de gestation, de repos, de sommeil, peut-être même d'hibernation. En tout cas, cette réflexion, elle est de plus en plus présente en moi et j'ai l'impression que j'en suis même persuadé. Benjamin la partage et je crois que ces temps-là et ce vide qu'on va apprendre à nouveau à créer dans nos vies va nous permettre, comme Benjamin nous l'a suggéré à la fin de l'échange, de pouvoir nous poser des questions plus profondes qu'on ne prend malheureusement plus le temps de se poser. J'espère que vous avez encore une fois pris autant de plaisir que moi à partager ces quelques minutes avec Benjamin et je vous dis bien sûr à 2 semaines pour un nouvel épisode. Salut! Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur sacommenceparmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !